C'est entre deux hyperactifs, j'ai l'impression, ce matin. Mais on l'est tous un peu, non? Sinon, on oui, ferait pas ça. Oh, tiens, peu. Il est l'heure. Ah, incroyable. Oui, bonne première, merci Nagui. Merci et bravo, Ali Rebeilly. Merci. À demain, bravo. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Laetitia Gaillet. On ne le voit jamais, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas son portable. Stéphane Le Foll, ce matin, à propos d'Emmanuel Beignet, le patron de Lactalis, le ministre de l'Agriculture, répondait aux jeunes agriculteurs. Il demande, ces derniers, que Stéphane Le Foll s'implique un peu plus dans la crise du lait. Ce dossier, dit-il, concerne des relations commerciales directes. Je n'ai donc pas directement de moyens de pression sur Lactalis. Après l'échec des négociations sur le prix du lait, Stéphane Le Foll présentera quand même demain aux professionnels du secteur laitier le plan de régulation de la production française réclamé par Bruxelles en juillet en contrepartie de nouvelles aides financières. D'ici là, les syndicats agricoles ont annoncé de nouvelles actions pour aujourd'hui autour des sites Lactalis et dans les points de vente des produits Lactalis. Après la gauche de la gauche et la gauche du PS qui ont fait leur rentrée politique ce week-end ou encore la semaine dernière, Manuel Valls et plusieurs de ses ministres tiennent eux ce soir leur meeting de rentrée. Ça se passera du côté de Toulouse, là où Jean-Luc Mélenchon se trouvait d'ailleurs hier. Le chef du gouvernement viendra parler de la République à un moment où la France et son gouvernement divergent sur l'affaire du Burkini, notamment Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, et Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui ont pris des positions différentes ces derniers jours de Manuel Valls. Et ce meeting d'ailleurs pourrait, dit-on, être troublé par les syndicats, une intersyndicale CGT, FSU Solidaire, UNEF Fidèle et l'Union des étudiants de Toulouse, en effet appelé un contre-meeting unitaire à la mairie de Coulommiers en fin d'après-midi. À l'étranger, c'est le jour J pour le gouvernement tunisien. Youssef Chahed prend ses fonctions aujourd'hui en tant que Premier ministre. La cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur Habib Esid aura lieu en fin de matinée à Carthage. Youssef Chahed est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Tunisie moderne. 40 ans seulement, c'est un libéral. Son gouvernement féminisé et rajeuni a obtenu la confiance de l'Assemblée des représentants du peuple vendredi soir. 168 voix sur un total de 217 députés. Le groupe État islamique revendique aujourd'hui l'attentat suicide à Aden au Yémen. 60 personnes ont été tuées, des jeunes recrues de l'armée. La France a le Burkini, l'Afrique du Sud, les cheveux au naturel. Une pétition qui a rassemblé plusieurs milliers de signatures hier a été adressée au ministre provincial de l'Éducation du côté de Pretoria. Une pétition pour autoriser des lycéennes noires à porter leurs cheveux au naturel dans leur établissement. Elle conteste une interdiction dans un règlement intérieur du lycée. Enfin, on l'apprend ce matin, le crash la nuit dernière d'un ULM dans les Hautes-Pyrénées. Un homme de 56 ans a été tué. Le second passager a été, lui, grièvement blessé. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. Je ne dirai rien qui puisse ajouter au désordre des esprits. Mais le climat de passion politique créé par des groupements extrémistes explique cette affaire. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, nuit du 15 au 16 octobre 1959, le faux attentat de l'Observatoire ou comment François Mitterrand tombe dans un piège qui aurait pu l'exclure de la vie politique française. Affaires sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter tous les jours, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Nagui, êtes-vous là? Oh là là. Parce que moi, je suis présente. Non, mais dit comme ça, on a l'impression que je suis mort. Et donc, esprit, êtes-vous là? Tapez trois fois. Vous n'êtes pas franchement hyperactif. J'étais en train de vous tester, mais en fait, vous avez du mal à revenir de vacances. Hein. C'est un diesel. Hein, vous savez, il faut que ça chauffe avant que ça démarre. Et ça va fumer plus tard. Je vous laisse Et toute la bande est là. Et on se retrouve à tout à l'heure, midi, pour des infos. Merci. J'espère bien. Si on essaiera de parler français d'ici là. On se retrouve à tout à l'heure. Ça commence. À tout à l'heure, bientôt. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec les Black Ado Boudadi. Bonjour à tous. Qui n'a pas pris de vacances. Si, un c'était peu, bien. Dans ma tête. Bravo, c'était bien ce mec. Daniel Moreau. Oui. Bonjour. Frédéric Siglé. Bonjour. Richard Lornard. Bravo. Bonjour. J'ai envie de dire, c'est le grand écart au niveau des générations. Nous passons de Richard Lornac à Tom Villa qui est là. Bonjour. Bienvenue Tom. Merci. Dans cette bande originale et notre invité, merci de faire du bruit pour Monsieur Michel Blanc. Ouais. Tu vas bien, Michel ? Bonjour et merci, et oui. On vous trouve en pleine forme. La journée a bien commencé. On oublie de savoir si vous êtes bien réveillé, et du ben bon oui, pied. Et exceptionnellement, j'ai pas mal dormi. Vous êtes un Donc mauvais... ça va. Vous n'êtes pas un mauvais coucheur, vous êtes un mauvais dormeur. Non, mais je suis un rêveur de conneries. Je fais des cauchemars, enfin des fois bêtes, d'autres fois angoissants. Voilà. Bon, on ouvre avec Michel Blanc et on est ravis de démarrer cette saison avec vous. Et puis, le meilleur moyen pour bizuter Tom Villa, c'est que ça soit vous qui commenciez. Tom, on est ravis. Bienvenue sur France Inter, déjà. C'est une merci grande beaucoup. Famille. Et puis, bon courage. Non, merci beaucoup. Je suis ravi d'intégrer cette belle maison qui est Radio France. Alors voilà, pour tout vous dire, c'est un petit choc pour moi d'intégrer France Inter parce que mes parents sont ni prof ni communiste et en plus je suis même pas de gauche, alors bon je suis rassuré depuis que Nagui m'a dit t'inquiète pas moi non plus c'est plus un critère maintenant. Non, en fait vous savez quoi, j'ai l'impression d'être Emmanuel Macron dans le gouvernement, bon sauf que moi je publie pas les photos de mes vacances avec ma mamie au Cap d'Agde dans Paris Match. Néanmoins j'ai réalisé avec des nudistes à côté, j'ai réalisé le rêve de ma mère grâce à Nagui, ça y est je suis devenu fonctionnaire, bon un fonctionnaire qui bosse seulement 1h30 par jour, enfin un fonctionnaire de la RATP quoi. Alors on va être très honnête, ma précédente radio est une radio privée avec de la publicité, donc j'ai deux questions. Ouais. Comment vous financez la radio ? Et surtout, quand est-ce que vous allez pisser ? Parce que moi, j'ai pas 1h30 d'autonomie en vessie. Et je pense que le petit public du studio non plus. Il y a des enfants et puis des moins enfants. Des voilà. En tout cas, très heureux d'intégrer France Inter. Juste, j'avais une dernière question. Ouais. Est-ce que vous avez déjà le planning des grèves à l'avance ? Non. Tu vois, une sorte de calendrier à l'année, comme non. Les vacances scolaires ou les jours fériés ? Parce que, voilà, vu que je suis ni catholique ni juive, j'ai beaucoup moins d'occasions de prendre des week-ends prolongés. Ah, donc, si bon. Vous pouvez me le transmettre, ça serait très gentil. Oui, bien sûr. Il y a des choses qu'on dit à l'antenne, des choses qu'on ne dit pas à l'antenne. Alors, notre invité, Michel Blanc, vous avez, j'espère, compris pourquoi nous avons invité Michel Blanc. J'ai parfaitement compris. Ah. Voilà pourquoi Michel Blanc est ici ce matin. Notre premier invité de l'année est acteur, réalisateur, scénariste et pourtant il n'a déménagé ni en Suisse ni en Belgique. Michel Blanc, bonjour. Alors vous vous demandiez comment c'était financé, et eh bien c'est parce que je ne suis pas parti en Belgique ni en Suisse. C'est ça. Donc merci Michel Blanc. Voilà. Mais vous pouvez me remercier. Et on le fait. Alors Michel, vous venez ce matin pour nous parler de votre dernier film qui s'appelle Un petit boulot. Alors le résumé rapide, vous incarnez un mafieux qui donne un petit boulot à un chômeur qui doit tuer votre femme. Voilà, ce qui m'amène à la conclusion suivante. Au cinéma, vous avez vraiment pas de cul avec les femmes. Dans Les Bronzés, Jean-Claude Duss, il arrive pas à en choper une. Dans Papy fait de la résistance, vous jouiez un curé. Un prêtre, alors. Voilà, il en chopait. Non. Dans Ma femme s'appelle Revient, vous êtes fait plaquer comme une merde. Dans Embrasser qui vous voudrait, vous jouez un jaloux maladif. Dans Je vous trouve très beau, vous allez en acheter une en Roumanie. Dans Les Souvenirs, vous êtes un retraité qui décidait de pourrir la vie de sa femme parce qu'il s'ennuie. Et maintenant, vous incarnez un mafieux qui veut se débarrasser de sa femme. Là, on est passé un cran au-dessus. C'est quoi le prochain film ? Un remake de Barbe Bleue ? Un biopic d'Emile Louis ? Non, c'est pas ça exclu. Pas exclu. Il y a une exclu. Bon, en tout cas, vous incarnez un mafieux qui embauche un chômeur pour tuer sa femme. Le film s'appelle Un petit boulot. Voilà, à la base, le titre, c'était La vie rêvée de Patrick Balkany. Mais surtout, ce chômeur, c'est Romain On Duris. On n'a pas les amis. Non. Il est proche de Nagui. Non, mais surtout, ce chômeur dans ce film, c'est Romain Duris. Et vous lui demandez de buter votre femme. Moi, si je dois me débarrasser de ma femme, je ne demande pas à Romain Duris. D'ailleurs, je ne demande rien du tout à Romain Duris. Mec, même en clodo, il est beau gosse. Alors, heureusement que le film, c'est pas la vraie vie. Parce qu'imaginez, si les 3,5 millions de chômeurs se mettaient à buter des gens pour arrondir leur fin de mois, ça réglerait certes le problème du chômage et des retraites, mais ça plomberait un petit peu l'ambiance nationale. En tout cas, merci sincèrement de m'avoir fait ce bel accueil sur France Inter. Dernière question, quoi, Nagui. Quoi, ça, je m'attends pire. Maintenant que je suis fonctionnaire, ouais. Si on finit l'émission à 12h32, ça compte comme des heures sup ou pas ? Toute heure entamée est due, oui, absolument. Mmh. Merci, Tom Villa. La bande originale, Nagui. Sur France Inter. Il a un peu résumé, pas très bien, ce très bon film. On va dire cette comédie. Moi, je trouve qu'il n'y a plus rien à dire. Si, il y a tout à dire. Non, mais il y a de bonnes bases. Hein. Bien sûr. C'est excellent, on gagne du temps. C'est à l'affiche ce mercredi 31 août, autrement dit dans deux dodos. Ça y est, j'ai compris. Sera à l'affiche. Un petit boulot de Pascal Chomeil qui nous a malheureusement quitté le 1er septembre 2015. À l'affiche du film, donc vous, Michel Blanc, à vos côtés Romain Duris, comme l'a dit Tom Villa. Il y a également Alice Belaïdi, Gustave Carverne, Alex Lutz, entre autres, dans ce film où, en effet, ce petit boulot, il y a boulot et boulot, d'ailleurs, c'est l'une des répliques au tout début du personnage de Romain Duris qui dit il y a boulot et boulot, quand il hésite à accepter votre proposition. On comprend qu'il hésite un peu, parce que quand même c'est un pas à franchir de se dire, c'est vrai que j'ai plus de boulot depuis longtemps, mais enfin bon, tueur à gage, c'est quand même chose. Très particulier, quoi. Et d'ailleurs, c'est un personnage très honnête, Romain Duris incarne ce type-là, laissé sur le carreau, parce que faire fermeture d'usine, chômage cruel dans tout un bassin régional. Et il se dit, non, moi, je ne ferai jamais rien de malhonnête. Faire du trafic avec des écrans de télé, non, rien. Et tout d'un coup, Bascule. Il a en fait, les personnages sont tous un petit peu comme ça, en deux parties, si j'ose dire. Ça c'est bien résumé dans une phrase de Romain, c'est je suis honnête jusqu'au bout des ongles, j'ai dit que je la tuerai. Mais l'honnêteté, c'est peut-être de respecter ses engagements. Oui, la structure mentale des personnages. Ben oui. Moi, le mien fait tuer sa femme parce qu'il est cocu. En même temps, il dit dans mon métier, on peut pas se permettre de l'être. Dans mon milieu, plutôt, parce que je suis une sorte de petit truand local, qui est le seul qui ait du pognon, parce que forcément, quand ça va mal, il n'y a que les malhonnêtes qui ont des sous. Hein. Donc, on va arrêter avec Balkany, s'il vous plaît. J'étais sûr que quelqu'un allait là. Hein. Donc, à la fois, il l'a fait tuer parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Moi. Non, il n'a pas le choix dans son milieu, n'est-ce pas? Il a bien intégré la mentalité du personnage. Il est encore dedans. Hein. En même temps, il a adapté le livre, il a écrit le scénario, les dialogues, il est totalement dedans, Michel Blanc. Bon. Et en même temps, donc, il fait ça et il porte le deuil après. Oui. Et l'autre lui dit, ah, t'en fais peut-être un peu trop. Il dit, mais attends, j'ai perdu ma femme, non? J'y dois bien ça. Et mon chien? Je suis malheureux. Donc il est vraiment malheureux parce que il aurait bien aimé tuer le type qui le faisait cocu, mais il sait pas qui c'est. C'est drôle d'un humour noir, c'est extrêmement vrai comme le rappelait Leïla Kadour-Boudadi avec cette situation à la Ken Loach, puisque Pascal Chomeil d'ailleurs disait que dans l'écriture du scénar, quand il avait lu votre écriture, il avait trouvé un peu l'ambiance des frères Cohen, de Blier et de Ken Loach. C'est très gentil ça comme comparaison. Non mais on retrouve en effet cet humour noir, le côté un tout petit peu trash, la fin à la Cohen, je trouve que la fin ressemble vraiment au frère Cohen, c'est-à-dire c'est pas une fin, boum, c'est fini, ah bah au revoir, mais ça reste en suspens. Presque aucun de mes films ne se termine par... Enfin, mes films, c'est pas mon film, là, c'est vraiment le film de Pascal, c'est totalement lui qui... D'abord qui a choisi les acteurs, c'est lui qui a donné la musique, la couleur. Mais vous avez reconnu vous-même dans l'écriture, dans le scénar, vous avez aussi écrit plan sur la main, les didascalies, vous les avez précisées. Oui, mais pas du tout pour qu'il le fasse, d'ailleurs il a fait autre chose, mais simplement pour expliquer pourquoi j'attaquais... Moi j'aime bien dans les scénarii, qu'il n'y ait pas des plans de situation qui durent 15 plombes où alors ça se passe dans un studio à France Inter, d'accord, puis alors après il y en a, et l'action commence. Non, moi ça commence souvent par un gros plan dans ma tête de quelqu'un qui dit à l'autre quelque chose. Et si on n'écrit pas ça, les gens se disent, mais ça se passe où, non, c'est prévu. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, il a fait ce qu'il voulait, c'était très bien ce qu'il voulait. Vous n'êtes pas mêlé? Oh, jamais. En tout cas, il y a un vrai fond social avec des situations qui peuvent prêter à sourire, même si le contexte est quand même d'une certaine violence, en gros. Ouais, ouais. Qui est désamorcé sans cesse, que ce soit par la musique, par la façon dont c'est filmé ou raconté. Et c'était dans le roman déjà un peu c'est ce mélange-là qui m'avait plu. Dans le roman est beaucoup plus militant. Ian Levinson, un Américain. Ouais. Et c'est un Américain qui déteste le système économique de son pays, qui tape sur le capitalisme destructeur dans presque tous ses romans, et qui, je crois, vit en Chine. Donc c'est vous dire la cohérence. Mais bon, moi ce que je trouvais intéressant, il y a un monsieur qui va mourir, mais c'est pas grave. Il reste 4 personnes. Tu veux pas attendre le mois de juin pour passer l'arme à gauche, non? Non, mais je vais voir. Allez-y, continuez sans moi, de toute façon, c'est pas grave. Ah bah, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Allez-y. Je ne sais pas si... Là, je finis juste ma phrase. Comme disait hier, qu'est-ce qui est passé dans les émissions politiques? Ils font tous ça. Laissez-moi finir ma phrase. C'est ce qui m'a plu dans le roman, c'est qu'il y avait les deux. Mais dans le roman, il y avait beaucoup une violence sociale et une violence revendicatrice, mais infiniment plus prononcée, qui faisait que... À la lecture, on continuait à pouvoir rire quand c'était drôle, mais si je l'avais montré, ce qu'on montre a plus de poids que ce qu'on lit, bizarrement. On va rappeler quand même que c'est un film drôle, mais noir aussi, parce que c'est quand même quelqu'un qui tue un peu. Ouais, quoi, ça tue un peu. Il y a une phrase qui est dite, et pour souligner ce que rappelait Leïla, c'est-à-dire ce côté un peu social, donc peut-être à la Ken Loach. Il y a une phrase que j'avais notée de mémoire, alors je ne sais pas si elle est exacte. C'est très loin de Ken Loach, quand même. L'économie. l'économie, c'est de la merde. Il oui. y a plus de règles. Donc maintenant, c'est du roman. Ça fait partie des bouts très violents du roman que j'ai quand même gardé parce que j'avais pas envie de trahir l'auteur non plus. La thèse de base du roman, c'est je vais faire rire, mais en même temps, mon idée, l'idée du personnage, c'est il y a quelque part dans des tours des conseils d'administration qui décident qu'on meurt, nous. Qui nous tue, en fermant les boîtes, gagner de l'argent. C'est ça. Et moi, on me demande de tuer quelqu'un pour gagner de l'argent. Bon, bah pourquoi pas. Oui, ok, voilà. C'est la nouvelle règle. C'est un moment où il est quand même totalement largué. Hein, ça vous faut dire aussi ce qui est. Et puis c'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage raisonnable dès le départ. Ouais. Et comment une personne non pas qui a le vice mais qui est raisonnable peut basculer et trouver ça finalement normal. Oui, parce qu'il est dans une situation où il est totalement perdu. Alors évidemment, c'est traité en comédie, c'est-à-dire que j'espère bien que dans la vraie vie, comme on dit, avec les vrais gens, comme disent les hommes politiques, puisqu'on en parlait, j'espère que ça ne se produit pas, ou pas trop souvent. On verra tout à l'heure, puisque nous allons mais parler ça fait de pas nous allons tuer quelqu'un du public. Non. Mais on aura des excuses. Malheureusement, ce sont des faits divers qui existent. Non, ça existe. Des histoires existe. Qui ont bien existé. Sûr. Alors, je ne sais pas si celle-là est une histoire vraie américaine. Non, pas du tout. Non tout est inventé. Ah ouais, je pense. Enfin, je ne me suis pas documenté sur la question. Mais enfin, on a vu des trucs de dingue. Évidemment, le problème est d'arriver à maintenir le. C'est pour ça que c'était très dur et que Pascal a réussi magnifiquement son coup, c'est de maintenir cet équilibre. C'est-à-dire qu'on est sur un fil, on est comme des funambules. D'un côté, on tombe dans la comédie et ça devient les tontons flingueurs. De l'autre côté, on tombe dans le drame et c'est plus drôle du tout. Et en plus, je ne suis ni Ken Loach ni les frères Dardenne pour écrire des choses profondes sur ces choses-là. Vous avez dit ne pas vouloir réaliser ce film parce que vous ne voulez pas que ce soit une comédie. Non, je voulais que ça soit une comédie. Et je voulais pas que les gens pensent a priori que c'était une comédie qui ressemblait à ce que j'avais déjà fait. Et je me suis dit, s'il y a mon nom en dessous, ils vont se dire, bon, c'est peut-être comme Grosse Fatigue ou comme. Or, c'est pas pareil. Je préférais que quelqu'un le porte. Prenne en charge le truc. Alors, deux précisions, Pascal Chemin, il avait déjà réalisé, entre autres, L'Arnaqueur Romain Duris. C'est lui qui s'est dit, tiens, le duo, le binôme pourrait bien fonctionner. D'ailleurs, c'est la première fois que vous jouez ensemble. C'est la première fois et en plus, c'était pas du tout prévu parce que j'ai absolument écrit sans avoir la moindre idée des acteurs et surtout quand on m'a demandé au tout début tu veux pas jouer Gardot, j'ai dit non, c'est pas pour moi Gardot, je le voyais de manière plus caricature physiquement, un type qui fait peur. Qui est une espèce de mafieux qui a des bars de striptease des pokers clandestins, voilà. Enfin, tout ce qui rapporte un petit peu dans des zones dévastées d'une manière illégale. Oui, parce que sinon ça serait pas un truc. Sinon ça s'appelle la Française des Jeux. Yann Levinson, qui est donc l'auteur que vous avez adapté dans ce film Petit Boulot, est un auteur à la mode dans ses livres portés à l'écran. Arrête-moi là, de Gilles Bagnier, dont nous avions parlé ici même l'année dernière avec Reda Kateb. Il y a aussi François Cluzet qui a acquis les droits d'une canaille et demie. Et Yann Kounen qui travaille à l'adaptation de Trois hommes, deux chiens et une langouste. J'aime bien le titre. Le titre est fort. Et est-ce que l'humour noir, chronique sociale, un peu aussi à l'anglo-saxonne, puisqu'il est américain, mais enfin, il y a un humour très anglais, pour un américain. C'est ça qui vous a plu? J'aime beaucoup ça, oui. Vous l'avez déjà fait. Souvent été attiré par ce genre de choses. Mais en même temps, c'est pas des déclarations définitives. Je ne dis pas que le prochain sera comme ça. Mais j'aime bien quand à la fois on rit et qu'on a cette espèce de petit truc qui fait que ça coince un peu, c'est-à-dire le rire, il vient plus du « oh non, c'est pas vrai » que du « waf, il s'est pris la porte ». Vous voyez, c'est plus ça. D'ailleurs, j'aimerais que le public grince. C'est comment ça a grincé? Ah, voilà. Parce que j'ai vu que c'était un humour grinçant. Alors, je me suis dit la première fois où je vais revoir un public, c'était très gentil d'ailleurs, la critique était très bonne. Alors, je sais ce que c'est qu'un public nous, qui rit. Nous, on en a plein qui grincent. Non, je sais qu'un public là, qui rit, je ne sais pas assis. Ce que c'est qu'un public qui grince. Donc voilà, c'est tout. Si vous savez grincer, grincez. C'est quand un rire grinçant, c'est quand on rit d'horreur et qu'on n'assume pas, c'est ça? Non, c'est on rit, mais on se dit, oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oh la vache, il va pas faire ça. Et on se marre quand même. Et ce qui est rendu possible dans le film, justement, c'est la voix off. Parce qu'on est mené par Romain Duris, qui est le narrateur. Voilà. Et donc, on mais a. Toi, t'es mené par Romain Duris, on a bien compris. Non, pas du tout. Non, c'est vrai en plus. Mais on est mené par son itinéraire, ce à quoi il pense. Et, oui. Et le parallèle avec la littérature est intéressant, de la voix du narrateur. Voilà, alors c'est la première idée que j'ai eue quand j'ai adapté. Je me suis dit, j'ai besoin. Je l'ai jamais fait, ça. Hein. J'ai jamais fait, je crois pas avoir fait ça. D'une voix off, là. Pour deux raisons. La première, pour qu'on comprenne bien qui est ce personnage et qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est pas un salaud, c'est pas un monstre, c'est pas un bon. Et deuxièmement, parce que ça me permettait de... C'est plutôt un mec au bout du rouleau dans tous les domaines. Vie privée, absolument, familiale et absolument. Et ça me permettait aussi de respecter l'écriture de l'auteur, parce que c'est souvent... Les voix off sont souvent directement traduites et adaptées de parties du roman que je ne pouvais pas transformer en dialogue. Et je trouvais ça intéressant qu'il ait ce recul par rapport à... Très beau casting et très bon film, je vous assure. Un petit boulot, vous allez vous marrer et grincer donc en même temps. Le film de Pascal. Et je viendrai quand vous grincerez. Pour ça. C'est ce mercredi, Michel Blanc est notre invité dans la bande originale. France Inter, Nagui, la bande originale. Alors Leïla, pendant que vous travaillez, parce qu'elle a travaillé tout l'été, Leïla, elle a très bien travaillé tous les soirs, fin d'après-midi en tout cas sur Inter. Heures, ouais. C'était le Mac de l'été. Le Mac de l'été, c'était vachement bien. Et donc quand je t'ai dit, on va démarrer la saison cette année avec Michel Blanc, tes oreilles ont sifflé. Oui, parce que déjà j'ai cru entendre Laurent Blanc. Et j'ai eu un peu peur. Mais mon ballon est pas loin. Oui, mais je vous cache pas qu'on a un passif ici. Ah bon parce que l'année dernière, notre premier invité de saison, c'était Eric Cantona. L'année d'avant, pour la première première de la bande originale, c'était Didier Deschamps, qui est le parrain de cette émission. Grand bien nous fasse. Et compte tenu de mon affection pour le foot, je vous cache pas que bon. Et quand j'ai compris que c'était vous, Michel, là j'étais heureuse. Ah bon, mais je pense reprendre le PSG prochainement. C'est mais vrai. Bon, c'est pas. Bah vu hier soir, il va être vendu. Il va être vendu pas cher. Mais voilà, j'attends que ça baisse encore un peu parce que c'est moins cher. Alors, en tout cas, ça me réjouit de vous voir vous parce que vous m'évoquez tout un tas de choses. J'ai quasiment pas besoin de lire une bio. Je ferme les yeux, je pense à Michel Blanc et tout d'un coup j'entends un bruit de remont de pente et je vous entends siffler. Semble. Tu siffles bien. Hein. Eh, c'est pas moi. Hein. Je ne siffle pas comme ça. Et je vous entends chanter surtout. Ça c'est moi. Pays merveilleux. Non, c'est pas du tout Étoile des Neiges en plus, hein. Non, ouais, d'accord. Non, parce qu'ils ont pas voulu. Parce qu'ils ont pas voulu, ça coûtait. Ils ont demandé trop d'argent. La production, ouais, au départ, on se disait, ce serait marrant qu'ils chantent ça, et puis la production a dit, trop cher. Bon, en tout cas, elle a tout donc chanté. Donc on a fait écrire par Pierre Bachelet. Ouais, mais est-ce qu'on peut aller au bout de l'anecdote? Est-ce que c'est vrai? Alors c'est une rumeur, pardon, Leïla, de rentrer comme ça dans ton papier. Reviens. Entre tes oreilles. Est-ce que c'est vrai que sur le tournage? Vous aviez chanté Étoile des Neiges et que ensuite vous avez chanté ça en post-production. On a refait, oui. Ouais, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on a un plan large et qu'on ne voit pas. Oui. Absolument. C'est tout à fait vrai. C'est en post-production. Anecdote de cinéma. On a regardé les bonus du DVD. Magnifique. Alors vous appartenez pas uniquement à la mémoire collective populaire pour ce personnage de Jean-Claude Duss. Vous avez même fait votre entrée en politique, Michel Blanc, pas uniquement dans l'exercice de l'État de Pierre Scheler. Alors c'est quoi? Mais dans la bouche d'Olivier Besancenot s'attaquant François Hollande. Donc lui, il n'est pas conseillé par Buisson, il va être conseillé par Michel Blanc, j'imagine, dans les bronzés. Vous savez qu'il dit « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce !» Et même sur un quiproquo, on peut s'en sortir. Et ouais. Je ne savais pas que Besancenot avait fait ça. Et ben c'était assez récent. Il a des références. C'était en 2015, mais moi, je préfère quand même l'original. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce !» On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Excellente technique de drague, il en est. Jamais démenti. Mais le nombre de fois où j'ai pu le dire, mais mon Dieu. Le nombre de fois où j'ai pu le pratiquer. Alors ici en France, on vous associe aux grandes comédies, les bronzés, tenues de soirée, viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais au Japon, j'ai appris que c'est une toute autre histoire. C'est un Michel Blanc un peu plus inquiétant qui est connu là-bas du grand public. Pour vous, vous êtes le tailleur misanthrope de Monsieur Hir qui observe sa voisine en musique. Ouais, c'est marrant. Je peux dire une petite chose. Sûr, quand je suis allé vendre, entre guillemets, grosse fatigue après à Tokyo, tous les journalistes m'ont dit, mais alors donc vous faites un virage à 180 degrés, vous qui êtes un acteur dramatique, vous vous attaquez à la comédie. Ça m'a fait beaucoup marrer. Oui. Génial. C'est le quatuor de Brahms qui est la BO de Monsieur Hir. Mais oui, notamment, et puis la musique de Michael Nyman qui est magnifique. Alors vous venez de l'entendre, la musique en fait c'est loin de vous être inconnue puisque vous êtes un passionné de musique classique, vous avez joué longtemps du piano et on dit de vous que vous êtes... Et mal. Mais on dit de vous que vous êtes capable de discuter des heures sur l'interprétation de tel ou tel morceau. S'engueuler même, oui. Oui, ah, j'ai des potes, on se réunit, on a des espèces de, comme ça, de soirées apéro où on peut très très bien. L'anecdote la plus formidable, c'est qu'il y avait eu une dissension entre une soirée chez des amis et il y en a un qui est un baroqueux qui aime que la musique, la période baroque, machin. Puis nous, on avait marre d'écouter tout ça. Donc on est allé dans la chambre de la personne chez qui on était qui. Que je peux le dire, qui est Olivier Bellamy, qui est un type qui est donc, enfin qui est un ami déjà, et mais qui est un grand du monde de la musique classique. Voilà, qui. Vous savez que pour écouter de la musique de chambre, on n'est pas obligé d'y aller. Hein, non, mais justement, ça s'y prête. Et alors donc, et on n'a pas écouté de musique de chambre, et on s'est mis ce qu'on avait envie d'entendre, une symphonie de Brahms dans plusieurs interprétations. Au bout d'un moment, l'autre est arrivé rouge de colère en disant : vous me faites chier, vous écoutez du Brahms en cachette. J'ai trouvé cette expression, écouter du Brahms en cachette, assez extraordinaire. Honteuse. Ouais, c'est genre vous fumez du hash. Avec modération, je plaisante. Quel Michel Blanc vous êtes le plus dans cette description ? Qu'est-ce qui vous correspond le plus ? C'est ce mélomane ? C'est ce personnage peut-être plus inquiétant, plus discret, plus timide ou... Inquiétant, j'espère non. Discret, oui, relativement. Et timide, oui. Mon métier fait que je peux parler facilement, et beaucoup d'ailleurs, trop, à l'aise devant des gens. Mais par contre, si je suis dans le bus et que d'un seul... Alors, quand les gens me parlent, j'adore ça, ils sont sympas, c'est super. Mais quand il y a un groupe de trois jeunes filles qui fait « Ouais, il y a Michel Blanc, machin !» et tout le bus se retourne, je deviens pivoine et je sais plus. Ça fait un tête à queue quand le bus se retourne. Hein, éviter de... Surtout avec trois jeunes filles. Oh, bien. Vous vouliez ? Non, mais c'est bien. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que vous vouliez me pousser à la faute, c'est fait. Un petit boulot, c'est mercredi et c'est pas une faute, c'est un très bon film qu'on vous recommande. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Non, ça va, Fred? Mais oui, ça me fait super plaisir de vous retrouver. D'autant que j'ai vraiment, vraiment passé un été de merde. Ah, j'ai chopé un sale virus, j'avais des migraines, j'étais tout le temps crevé. Et t'as eu la grippe ? Non, j'ai eu mes gosses. Quelle horreur. Ouais. Alors, je suis aussi ravi de retrouver Tom. Ah, Tom, parce que Tom, je le dis, c'est un copain qui a vécu des choses assez graves. Ah oui ? Je vais pas rentrer dans les détails, mais il vous suffit juste de savoir qu'il a travaillé chez Morandini. Salaud. Et on sait tous comment Jean-Marc fait passer ses castings. Tom y est resté 2 ans. Donc, t'inquiète pas, vieux, tu peux compter sur nous. Nagui fait pareil, mais il te paie après. Lui. Alors, cette saison, hein, c'est un peu spécial. On entre donc dans une année électorale, hein, ce qui veut dire que la chasse aux électeurs est officiellement ouverte. Oui, en ce moment, si un politicien vous propose de faire des heures de ménage, d'aller chercher vos gosses, c'est pas que vous êtes devenu soudainement très séduisant. Hein. C'est juste qu'il en a après vos voix. Allez, les élections, c'est le moment où tu peux leur faire promettre n'importe quoi. Les politiciens sont comme des gros crevards. Médiatiquement aussi, on va en bouffer de la politique, hein, parce que les journalistes adorent les campagnes électorales. Faut dire, c'est quand même moins fatigant de poser des questions à Bruno Le Maire ou Arnaud Montebourg qu'aller voir ce qui se passe en Syrie ou chez les producteurs de lait. Hein, faut sortir de Paris, prendre le RER, tout ça, c'est fatigant, on n'a pas le budget. Bref, il va falloir que l'électeur français fasse preuve d'une grosse résistance mentale pour pas se retrouver en train de mettre un bulletin de vote Sarkozy, Hollande, Juppé ou Le Pen dans l'isoloir. Car rappelons quand même, et ça c'est très rigolo, on le répète pas assez, que tous ceux qui prétendent actuellement avoir des solutions pour nous sortir de la merde sont précisément ceux qui nous ont mis dedans. Et on est con. Il est donc de mon devoir. Moi, ils s'y connaissent en la matière. Voilà, en tant qu'agent du service public, hein, toute cette saison, de vous donner des trucs et des astuces afin d'apprendre à survivre dans l'isoloir. Leçon du jour, à quoi sert la polémique sur le burkini ? Alors, je rappelle, le burkini, c'est comme une combinaison de plongée, sauf que t'as pas de bouteille. combinaison que certaines musulmanes mettent pour profiter des petits plaisirs de la plage, tout en ayant une tenue conforme à leurs croyances. Si vous voulez, le burkini est au bord de mer ce que la cigarette électronique est au tabac. Ah, tu continues de te faire plaisir en faisant mine d'avoir des principes. Hein. Alors, ça semble paradoxal d'aller à la plage si tu veux pas qu'on te regarde. Mais c'est comme la salade verte chez McDo. Voilà, voilà, c'est pas paradoxal, c'est faux cul. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais les cathos sur la plage, ça se voit pas. Eh mais c'est parce que toutes les religions n'ont pas eu la chance d'avoir un prophète mort en moule burde. Ah bah oui. Ah. Bon, on va être franc. Moi, le burkini en France, j'en avais rien à carrer. Et même encore aujourd'hui, ça me gêne pas du tout. Il y a des choses que je trouve bien plus choquantes sur une plage que le burkini. Les tongs, par exemple. Les tongs, c'est moche. Mais le burkini, par contre, c'est un thème qui passionne l'extrême droite. Ces gens qui votent majoritairement à toutes les élections. Donc, faut leur faire plaisir. Et vu que Nicolas Sarkozy, en ce moment, il serait prêt à se crever un œil, mettre une perruque blonde et appeler Jean-Marie papa pour piquer des bons Front National, il est allé à fond sur le sujet. Manuel Valls, qui lui aussi voulait passer à la télé, il a passé un été de merde, puis il aime pas être doublé sur sa droite, il a surenchéri en disant que c'était pas un vêtement. Mais une provocation. C'est formidable. Pas assez habillées, les femmes provoquent. Et trop habillées, elles provoquent aussi. Hein, c'est Daesh qui a trouvé la solution. Chez eux, les femmes, elles sortent pas. Voilà. Et pour finir, les médias se sont dit, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être un sujet. Donc on va en parler aussi. Et voilà comment un fait divers ridicule devient un débat national à deux balles. Résultat, aujourd'hui, et tout ça est très sérieux, les flics patrouillent les bords de mer pour foutre des PV au fan club de Barba Mama. C'est quand même incroyable. Flic en 2016, soit tu encadres les manifestations statiques de la CGT, soit tu files des PV à des nanas habillées en parasol. C'est quand même formidable comme métier. Les ventes de burkini ont naturellement explosé suite à la polémique. Et vous vous rendez compte que si on avait eu le même genre de polémique sur l'emploi, on en aurait peut-être créé. C'est dommage, on n'a pas fait. Alors c'est l'hystérie dans le pays en ce moment. Ce week-end, un restaurateur a refusé de servir deux femmes voilées sous le prétexte que je cite, il le dit dans la vidéo, tous les terroristes sont des musulmans, donc tous les musulmans sont des terroristes. Et c'est qu'un début. Là, tels qu'ils sont partis, comme les politiques sont pas foutus de repérer des terroristes qui se cachent, ils ont décidé de s'attaquer à des musulmans qui se montrent. De toute façon, le militant d'extrême droite fait pas la différence. J'imagine que cet hiver, à la vitesse où on va avoir droit à une nouvelle polémique sur la burkinaison de ski. Et finalement, quand c'est je vois tout j'y ai ça... pensé à ça. Les grands esprits se rencontrent. Désolé, je vais pas vous niquer votre truc. Non, mais c'est... Et finalement, je me dis que le burkini cache beaucoup moins bien le corps des femmes que l'incompétence de nos élus. La bande originale, Nagui, sur France Inter. En grande forme, notre frère. Ah ouais, grande forme. Je me demandais si c'était... Parce que quand même, c'est si cet hiver, on allait interdire le bonnet et les gants. Ah, je pense. Sur les pistes de ski, parce que ça cache les cheveux et une partie du corps, donc les gens vont avoir froid. Hein. Tous. Quel rapport vous avez à la politique, à l'actualité ? Un rapport conflictuel. C'est-à-dire qu'à la fois, ça me passionne parce que ça va nous retomber sur la gueule d'une manière ou d'une autre, et que je suis un citoyen qui vote, et en même temps, parfois, au bord de l'ironie, quoi, parce que c'est un humour grinçant, comme on dit. Alors je grince beaucoup. Mais quand Fred, avec le prisme de l'humour, on dit on sait pas où on va, mais on y va, enfin, c'est-à-dire, c'est ceux qui nous ont foutus dans la merde, veulent nous en sortir, et ainsi de suite, avec, on en rit, malheureusement, tout est vrai, même si la forme est drôle, mais tout est vrai dans ce qu'il dit. Oui, enfin, ceux qui nous offrent... J'aime pas trop les grandes généralités, c'est très bien ce que vous avez écrit, mais je trouve que le découragement total n'est pas non plus salutaire, et que le côté tous pareils, tous pourris, est la pire des choses qui puisse nous arriver, parce qu'on sait très bien... Voilà, on sait très bien qui ramasse les coquillages après. Mais c'est très bien que Michel dise ça, parce qu'en fait, c'est justement ce que je pense, mais ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire émerger des nouvelles têtes qui sont déjà là, mais il faut réussir accepter de les faire émerger. Mais les anciennes têtes, elles poussent sous l'eau, sans burkini, là. Évidemment, il y a des gens qui arrivent vite ces élections, on n'a pas le temps de choisir des... C'est pour ça qu'il faut motiver les gens pour se concentrer cette fois-ci. Faites pas les idiots, réfléchissez avant de voter. Voilà, c'est ça. Mais enfin bon, c'est une généralité. On va recevoir tout à l'heure et on va parler encore d'un petit boulot, bien sûr, le film que vous avez, dont vous avez écrit le scénario, les dialogues. Oui, enfin, c'est normal, c'est toujours les deux en même temps. Moi. Forcément les deux ? Oh, y a des gens qui écrivent des scénars et qui demandent à quelqu'un d'autre de dialoguer. Moi, ça m'est déjà arrivé de retravailler sur des dialogues il y a très longtemps, mais généralement, c'est... Les deux ensemble. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre, ils ont mis scénario et dialogue. Oui, ils ont distingué. Ouais, je sais pas pourquoi, parce que souvent, on met scénario. Donc c'est scénario et dialogue, puisque c'est comme ça dans le générique. Un petit boulot avec vous, Michel Blanc, Romain Duris, Alice Belaïdi, Gustave Kervern, Alex Lutz. Ils sont tous extraordinaires. Mais il nous fait un numéro d'ordure. Mais Alex, ouais. Moi, lui, on est presque content qu'il... Non, mais ça va pas aller là. Non, par rapport à la morale du personnage. Mais ça va. T'es content que. Bah, non. Que le personnage. Non, vous prenez la responsabilité. Mais c'est vrai qu'il est infect. Ah. Mais c'est vrai qu'il a un fond odieux quand même. Oui. C'est odieux comme nous allons recevoir dans quelques instants Jean-Philippe Degnaud, qui est chef du service enquête justice à France Inter, parce qu'on a voulu savoir si justement ce qui se passe dans le film peut est déjà arrivé dans les actualités et dans l'information. Mais d'abord, voici la bande originale de Michel Blanc, et qui est une véritable bande originale de Michel Blanc. On a pris trois années, vous nous avez dit ce que vous écoutiez à ce moment-là. Par exemple, en 1967, vous étiez adolescent, et Michel Blanc écoutait... J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles de chez Régine, j'aime les filles qu'on voit dans elles, j'aime les filles. 67, j'aime les filles. Vous étiez un adolescent comment d'ailleurs à ce moment-là en écoutant ça? Névrosé, boutonneux. Oui. Mal dans sa peau. Un adolescent. Un ado, quoi. Un ado. Voilà. Ouais, voilà, un ado. On y est tous passés. Vous avez écrit votre première pièce lorsque vous aviez 15 ans, mais vous vouliez être déjà auteur ou plutôt comédien? Bah, c'était les deux. Ça va ensemble? Ouais, parce qu'on l'a joué dans le salon de l'Ermite, la pièce. La grande création, la grande première de la pièce a été dans le salon de l'Ermite. Oui, chez les parents, bien sûr. La concierge est tombée dans l'escalier, c'est le nom de la pièce. Oui, c'était une longue pièce d'environ 10 minutes. Sur l'égoïsme. Sur l'égoïsme, oui. Le pitch étant d'une grande simplicité, c'est quelqu'un tombe dans l'escalier, et la concierge en l'occurrence, et chaque locataire a une raison de ne pas aller l'aider. Déjà un humour vache, en fait. C'est un pitch très simple. Mais il y a aussi y a du drame social. C'est pas le riche. Bah ouais, la condition de la concierge, absolument. Parce qu'on disait pas gardienne à l'époque, hein, c'est pour ça que ça donne mon âge. En 1982, Michel Blanc écoutait... C'était le concert à Central Park, qu'est-ce que c'était bien ça. Ouais, ouais. Alors, vous aviez veillé la nuit pour le regarder? Non. Ce qui était passé en direct dans Les Enfants du Rock. Mais c'était presque déjà de la nostalgie, parce que moi j'avais adoré la première période qu'on se réunisse avant, et c'était de la nostalgie. Je retrouvais des titres que j'avais aimés quand j'étais plus jeune, donc c'était... Non, tout le monde a reconnu Christophe Maé. Tu veux dire que j'ai pas dit Samuel Garfunkel? Non, incroyable, je suis désolé. Alors, Samuel Garfunkel, c'était le concert de Central Park. Et c'est vrai qu'ils étaient séparés depuis quelques années. On ne croyait pas à une reformation possible. Et les images de ce concert, c'était extrêmement émouvant deux vrais potes. Quoi. On sentait qu'il y avait une vraie affection entre eux deux. Ouais, et ouais. Une émotion, une communion avec un public. Il y avait des milliers, des centaines de milliers de personnes. C'est très impressionnant. À ce moment-là, vous vous retrouvez dans l'impossibilité d'écrire. Ce qui peut être paradoxal, surtout qu'il s'agit du Père Noël est une ordure. Non, c'était pas dans l'impossibilité d'écrire, j'écrivais autre chose. C'est exactement à ce moment-là que j'ai quitté la bande du Splendide en tant que co-auteur, etc., et que j'ai écrit Viens chez moi, j'habite chez une copine avec Patrice Lecomte. Donc c'était qu'un problème de planning? Oui. Non, j'avais dit que j'arrêtais d'écrire en groupe. D'accord. Ah, voilà. Okay. Moi, la concierge, je trouve, c'est ce qu'ils ont écrit de mieux. Donc, peut-être parce que je ne l'ai pas co-écrit. Non, moi, j'ai cru qu'il y a eu plusieurs séances d'écriture et qu'à la 8e, vous craquez disant j'ai tombé. Non, c'est pas que j'ai craqué, c'est que j'ai. Il y a eu une petite semaine de séances communes, puis je me suis rendu compte, je me suis dit c'est idiot, c'est plus ce que j'ai envie de faire, je voudrais essayer d'écrire à moins. Alors on a, avec Patrice, on est parti sur. Mais il n'y a pas eu ni fâcherie ni quoi que ce soit. La preuve, c'est que j'ai remplacé mon camarade Junio sur scène pendant 15 jours et que 15 soirs de suite, j'ai pris un bide en dentologie. Partout où Gérard faisait pleurer de rire, je glaçais la salle. C'est vous dire si on n'était pas fâchés. En 2011, Michel Blanc, écoutez. When will from here? When will they stop? C'est pas. C'est Macy Gray avec I Try. C'est en 2011, vous écoutiez ça, oui, alors mais que c'est le morceau un vieux... date oui. de 2001. En fait, parce que j'écoutais toujours Macy Gray, mais je trouve que ce titre-là, c'est celui qui m'a fait découvrir cette chanteuse. Alors j'écoutais ce qu'elle faisait en 2011, et là j'ai réécouté un peu et je me suis dit quand même c'est I Try que je préfère. À quoi sert la musique, entre guillemets, dans votre vie? Vous l'avez en permanence? Quand vous levez le matin, vous mettez de la musique, écoutez de la musique classique, comme de la musique soul? J'écoute pas forcément. Quelle est sa place? Il y a des moments, j'ai envie ou besoin d'entendre tel ou tel morceau. Je sens que ça. Voilà, je me dis, tiens, j'écouterais bien ça. C'est un plaisir. Et quand vous écrivez? Quand j'écris, non, j'écoute. Alors, j'écoute très rarement de la musique parce que. Il faut que je. À la fois, j'aime bien qu'il y ait quelque chose autour, une ambiance sonore. Je ne peux pas écrire à la campagne, dans un endroit très calme. Hein. J'écris dans des bistrots, j'écris chez moi, mais je fous la télé sur les chaînes continues. Comme ça, je n'écoute pas. ambiance sonore. Mais si jamais je mettais. Je n'hésiterais personne, mais une symphonie de tel ou tel. Bon, et bien, j'arrêterais. Ça vous sortirait. Ben, oui, parce que je me mettrais à écouter. Donc, d'un seul coup. Quand vous écrivez, vous entendez la musique qui irait bien dans la BO du film à ce moment-là ? Ça m'est arrivé. Pas tout le temps, mais ça m'est arrivé. Pas du tout pour celui-là. J'avais aucune idée. Puis en plus, comme je voulais pas le réaliser, j'ai pas cherché. Mais il m'est arrivé sur certains trucs de me dire c'est cette musique-là qui serait bien, de l'entendre dans ma tête et même des fois de me la passer pendant que j'écris. Parce que voilà, et à l'arrivée, c'est pas celle-là qui est dessus. Alors 2011, on a pris cette date parce que vous jouez dans L'exercice de l'État de Pierre Scheler et vous avez déclaré lors de la promotion autour de ce film que vous aviez peur de ce rôle et que chez vous, la trouille était un moteur. Ouais. J'avais peur aussi de Gardot, de celui-là, parce que j'avais jamais joué un type dangereux et avec le versant incohérent que peut avoir le personnage, mais incarner un truand local qui peut tuer, la preuve, je l'avais jamais fait, donc... Ça vous va bien? Ben oui. Là, j'ai pas mon flingue, mais c'est à cause de la sécurité en bas. Enfin, ils l'ont remise. Mais en tout cas, oui, les ingrédients qui me font plonger sont souvent c'est vachement bien, je suis pas sûr d'y arriver, et le metteur en scène me dit moi je crois que tu peux. Alors si j'ai les trois en même temps, c'est tout ce que j'aime. C'est l'épanouissement. Et d'ailleurs, vous recevez le César du meilleur acteur pour un second rôle dans cet exercice de l'État. Et vous étiez heureux d'avoir ce César, en plus. Ah bah oui, j'étais très heureux, oui. Parce que, mais celui-là en particulier, il avait celui-là en particulier, parce que c'était un rôle que je n'avais jamais joué, que je rêvais de jouer. Souvent, dans les interviews, on me disait « Mais qu'est-ce que vous n'avez pas joué que vous aimeriez jouer ?» Et je ne savais pas ce que c'était qu'un directeur de cabinet de ce genre-là. Et je disais « Mais quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a une conviction profonde, qui est d'une grande honnêteté par rapport à une foi quelle qu'elle soit, soit un militaire, soit un curé, soit ce que vous voulez. Et quand Pierre Scheler m'a envoyé le truc, j'ai dit bah oui, c'est ça, je peux pas refuser, mais en même temps, si je le rate, ça veut dire que ce dont je rêve, j'y ai pas droit. Alors qu'on me donne le César m'a fait plus de plaisir que si on m'avait donné pour un premier rôle pour Jean-Claude Duss ou pour ce que vous voulez. Vous savez apparemment extrêmement bien ce que vous voulez. Je sais extrêmement bien ce que je ne veux pas. Mm-hmm. Alors voilà. On fait le tri sur le reste. Alors lorsque vous êtes sur un plateau, en l'occurrence celui du Petit Boulot, lorsque vous avez écrit, adapté l'histoire, le roman, et écrit les dialogues, vous êtes comédien, vous êtes brillant réalisateur aussi. C'est gentil, ça. Comment les autres sur le plateau, comment vous interagissez? Est-ce que vous donnez des conseils? Est-ce que vous faites des propositions? Est-ce que vous dites, on pourrait peut-être rentrer par là? Surtout pas. Pourquoi pas? C'est parce pas que il faut qu'il y ait un seul patron sur un film, c'est le metteur en scène, c'est son film, c'est le film de Pascal Chaumeil, c'est pas mon film du tout. Est-ce qu'un bon comédien ne propose pas justement des choses? Ah non, mais proposer en tant que comédien, bien sûr, tout le monde le fait, mais c'est pas la même chose. C'est parfois de dire tiens, j'ai eu une idée, et si je le joue comme ça, qu'est-ce que t'en penses? De le demander au metteur en scène, mais tout le monde le fait. Est-ce que d'avoir été le dialoguiste vous a permis de changer le dialogue pendant le tournage? Pas pendant le tournage, sauf quand on me l'a demandé. Romain m'a demandé une fois il me voit, je devais pas être là le jour où ça se tournait. Il me dit, écoute, j'ai un problème avec la scène qu'on va tourner dans 2 jours. Est-ce que tu peux rejeter un coup d'œil dessus? J'en ai parlé à Pascal qui m'a dit, vas-y, fais-moi une proposition. J'ai changé la scène, j'ai réécrit des trucs et j'ai d'abord proposé à Pascal. Et je lui ai dit, si ça te plaît, propose-le à Romain. Il n'y a pas d'intérêt. Vous avez respecté. Oui. Et puis jamais je me serais permis de dire, tu devrais dire ça, ce serait mieux. C'est insupportable. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Pour parler d'un petit boulot, nous avons demandé à Jean-Philippe Deniau, qu'on peut applaudir, parce que cette émission est applaudie. Jean-Philippe Deniau est chef du service enquête justice à France Inter. Merci Jean-Philippe de venir nous expliquer. Vous avez pu voir le film, oui. Un petit boulot en projection. Oui. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que ce sont des faits divers qui arrivent ou qui sont déjà arrivés? Alors le film est totalement crédible, l'histoire est crédible, mais effectivement, ce sont des scénarios qui appartiennent davantage à la littérature ou au cinéma qu'à la réalité criminologique. Alors, heureusement. C'est-à-dire qu'il arrive que des gens demandent à d'autres de tuer sa femme ou son mari. Il y a plusieurs exemples. Prends des renseignements, Nagui. je trouve ça fou. Mais on n'a pas de chiffres, en fait, parce que le crime commis par un tueur à gage est répertorié comme un assassinat en France, et donc on ne sait pas dans quelles circonstances ont été commis les assassinats. Donc il n'y a pas de données statistiques. Il y a des histoires marquantes dans votre mémoire? Est-ce qu'il y a une... Oui, alors il y en a qui sont assez célèbres. Il y a l'affaire Hélène Pastor, oui. Qui va être jugée dans les mois qui viennent. C'est à Nice, à Nice, exactement. Il y a eu l'affaire dite Boutboul. Il y a eu l'affaire Boutboul. Hélène Pastor, en 2 mots, c'est quoi Hélène Pastor? C'est au casino, non? C'est pas Hélène Pastor se fait assassiner avec son chauffeur à la sortie de l'hôpital de Nice. C'était il y a 2 ans. Plus c'est con, l'affaire se faire assassiner à l'entrée, parce qu'on a une chose... Alors, a priori, c'est le... Non, économiser des frais de médecine, sécurité. A priori, c'est le gendre de la milliardaire qui a commandité l'assassinat. C'est encore en enquête, mais ça va arriver devant la cour d'assises. Pour des raisons financières, sans doute. Janowski, lui, était criblé de dettes. Les 500 000 euros que lui versait pourtant sa femme tous les mois ne lui suffisaient plus. C'est dur avec 500 000 euros. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal. Arriver le 25... Le 18. Et il savait que le testament de sa belle-mère prévoyait un partage de sa fortune, 12 milliards d'euros, entre son fils Gildo et sa fille Sylvia, donc la femme de Janowski. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a... On a dégagé des gros moyens sur l'enquête. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Et qu'il y avait des personnalités. Il y a eu les images de caméras de surveillance de la ville de Nice, qui a permis de remonter au tueur. Donc il y a des caméras à Nice, on est d'accord. qui ont permis de remonter au tueur, la preuve. Ensuite, ils ont ausculté toutes les sociétés, 7 sociétés de Janowski. Et puis ensuite, ils ont été, sur les appareils téléphoniques et les ordinateurs, 3 millions d'appels ont été écoutés. Putain. Voilà. Alors, est-ce que ils sont remontés jusqu'au commanditaire. Ça coûte très cher. Est-ce que c'est un crime de riche? Non, parce que finalement, c'est vrai que l'argent est présent. Et c'est même le moteur, c'est l'appétit. Romain Duris est planté, n'a plus de boulot. Michel Blanc est un mafieux qui a de l'argent, donc il lui propose, je ne sais même plus, moins qu'à... 20 000. Beaucoup, 20 000. Ouais, 20 000. Ouais. Bah, pas beaucoup. 20 000. Mais l'autre lui doit des sous du poker clandestin. Mmh, donc, ouais. Ouais, enfin, c'est quand même des grosses sommes qui sont en jeu. Est-ce que c'est des crimes de riches? Autrement dit, quand des gens payent d'autres pour un assassinat... La plupart du temps, ce sont des crimes... dans un milieu de riches? Alors, de riches, pas forcément. C'est des crimes liés à l'argent, mais ça touche tous les niveaux. Évidemment, ça peut être des toutes petites sommes. Il y a des exemples communs. Par exemple, au mois d'août, là, ce mois-ci, ça a échoué. C'était un prof de judo qui était un peu déprimé. Il avait envisagé de faire tuer son épouse, dont il refusait le divorce après 20 ans de mariage. Donc, il a imaginé un accident de la route. Il a trouvé un petit escroc. Il était prêt à le faire pour 6 000 euros. C'est abordable. Ça passe sur le marché. Ouais, c'est des bons prix. C'est des bons prix. Là, on redécouvre l'humour grinçant. Mais justement, il a un peu tardé pour verser la compte. Du coup, l'homme de main a été raconté l'histoire aux policiers. Et voilà. Et la police a décidé de continuer la négociation. De continuer la négociation. C'est un bon film. Avec le tueur à gage. Un film formidable. Film formidable. On ne peut plus faire confiance à personne. Vous avez vu où vous demandez à un malfrat d'aller tuer votre femme, le mec va vous dénoncer, franchement, non, c'est honteux. Non, mais il n'y a plus, cette honnêteté qu'il y avait dans le milieu il y a quelques temps. On perd des valeurs. Mais autrement, là, vous avez dit une phrase, je ne sais pas si vous êtes rendu compte au moment où vous l'avez dite, Jean-Philippe, c'est-à-dire vous avez dit, ça a échoué, l'affaire au mois d'août, là, a échoué. En fait, on est au courant que des affaires qui échouent, parce que... Ah non, non, il y en a des très belles qui réussissent. Mais vous voulez une L'affaire Bissonnet. D'accord. Mais attention, si on est au courant, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, ce que j'allais dire, comment on le sait ? Parce que, qui a Marie... que le tueur à gage avoue. Ah voilà, donc on finit par le savoir. Donc, oui. Voilà. Mais Jean-Philippe, je voulais savoir, est-ce que ça vous aide à bien comprendre justement ces faits divers un peu sordides, le fait, comme vous, d'avoir un casier judiciaire chargé ? Oui, mais tout à fait. Je me disais, il y a du vécu. C'était une condition du recrutement, de toute façon. Alors c'est quoi la très très belle... Alors c'est un riche retraité dans un banlieue de Montpellier qui, un soir, rentre du Rotary et découvre sa femme assassinée devant chez lui. Alors évidemment, on se demande pourquoi Jean-Michel Bissonnet, puisque c'est lui qui... commandité. Pourquoi l'a-t-il fait ? Il n'y a pas de liaison extra-conjugale, il n'y a pas de problème d'argent, c'est lui qui a beaucoup d'argent. Une lassitude, peut-être ? Eh bien, c'est peut-être le jeu, effectivement. Un désaccord sur un programme télé, quelque chose ? Il a réussi à convaincre son factotum de le faire, pour 6000 euros, là aussi. Et il a réussi à convaincre également son vieil ami... J'ai l'impression, on est en train de donner des tarifs. J'en ai d'autres. Si on vous demande plus de 6000 euros, vous faites la loi. C'est dans quel département ? C'est ça, vous aussi, la localité ? C'est Montpellier. Ah, Montpellier. Et alors, on avait dit qu'on arrêtait avec les belles canines. Arrêtez cette histoire. Et il y a même le vieil ami, le vicomte Amaury d'Harcourt, qui a fait disparaître l'arme. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et alors, le plus merveilleux, c'est qu'au moment de la garde à vue, quand il remonte... Vous êtes tous horribles, c'est merveilleux, c'est formidable. Non, c'est parce que Amaury d'Harcourt, mêlé à une crapulerie, c'est... ça en dit long. Et donc, Amaury d'Harcourt et le factotum ont tout avoué en garde à vue, mais Bissonnet, lui, le commanditaire, jusqu'au procès, il a absolument tout nié, malgré les évidences. Et c'était juste pour une histoire de dette de jeu. Il s'est pris 20 ans. Pris 20 ans, d'accord. J'ai pris 20 ans. Frédéric, vous voulez un autre tarif ? J'ai une question, parce que là, on entend beaucoup de maris qui font assassiner leur femme. Ah, est-ce qu'il y a des femmes dans l'autre sens qui font assassiner leur mari ? Oui, j'espère. L'affaire Christian Honoré. Christian Honoré. J'adore Jean-Philippe qui est là. Oui, bien sûr. J'attends que vous me posiez la question. Ah. Bougez pas, il m'en reste encore un dans mon stock. Une épouse déprimée qui ne supporte plus son mari. Et alors, donc, elle va chercher Michel, qui est son confident, et qui est par ailleurs l'ancien garde du corps du président de l'Assemblée nationale. Il va la mettre en relation avec Jean-Noël, un ancien policier du contre-espionnage. Là, on est déjà dans un niveau plus élevé. Excusez-moi. Ouais. C'est du et Jean-Noël en poche 6000 euros. 6000 euros. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire. Et sauf qu'elle s'impatiente, Hélène, ça ne va pas assez vite. Et du coup, elle décide de le faire elle-même. Donc, elle va mettre une combinaison noire, des gants en latex. Catwoman, quoi. Arrête, tu m'excites. Elle est pieds nus. Le burkini du crime. Elle s'empare d'un 22 long rifle. Elle attend son mari un soir devant leur pavillon à Saint-Maurice, dans la banlieue chic de Paris. Et là, elle n'aura pas le courage de tirer. Ah, pourquoi ? Elle n'a pas le courage. Parce que c'est une... Alors les mauvaises langues vont dire parce que c'est une femme et que les hommes eux vont au bout. Non, parce que c'était son mari. Et voilà. Et alors mais Christian sentit qu'il y avait une présence quand même assez louche dans le petit jardin. Ouais. Donc il appelle la police et la police vient cueillir Hélène. Ah, oui. Non, ça prouve que les femmes ont des scrupules, que les hommes n'ont pas. C'est ça. Les femmes sont là pour donner la vie et pas pour. Et la... Ça prouve que Simone. Oui, non, alors si vous voulez éviter les violonnades, non, c'est pas cliché, c'est la nature. Non, parce qu'on donne pas toute la vie déjà d'une. Donc si je la donne pas, ça veut dire que je suis faite pour quoi ? Mais enfin, pour tuer mon mari. Les hommes vont avoir du mal à donner la vie. Moi, enfin, j'en connais. Madame, je vous la présenterai plus tard. Merci mille fois, Jean-Philippe Deniaud, d'être venu nous raconter ces histoires. Elles sont toutes vraies, on est d'accord. Oui, ça, c'est du vrai. Jean-Philippe est un véritable journaliste, comme Leïla, et on ne plaisante pas avec ça. Ce sont des vraies informations. Chef du service enquête justice à France Inter. Merci, Jean-Philippe Deniaud. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. France Inter. Nagui, la bande originale. Nous parlons donc de ce petit boulot, le film de Michel Blanc, avec Michel Blanc et Romain Duris, film de Pascal Chomeil, avec Michel Blanc et Romain Duris, entre autres. Daniel, oui. vous qui, cette année, êtes notre spécialiste en tout et surtout n'importe quoi, est-ce bien normal d'en arriver à vouloir tuer son conjoint ? Ah non mais, Nagui, c'est pas la bonne question, je suis désolé, monsieur Guy. Dans cette affaire, la vraie question... c'est bien sûr d'essayer de comprendre comment, en 2016, Dans la période de crise économique, crise d'identité que nous traversons, il y a encore des gens qui vivent avec un conjoint. Aujourd'hui, vivre avec un conjoint est une hérésie, une folie. Un conjoint, c'est diviser par deux ses ressources, diviser par deux son énergie, diviser par deux sa sexualité. Période de crise oblige, le célibat s'impose. Alors oui, je sais, vous me l'avez dit à de nombreuses reprises, monsieur Guy, il est parfois agréable d'avoir quelqu'un à la maison pour passer ses nerfs, sa colère, son courroux, avoir quelqu'un à domicile pour cogner comme un sourd quand la pression monte. C'est bien pratique, vous l'avez souligné. Ok, ok, mais soyez moderne, bon Dieu, aujourd'hui on ne possède plus, on loue. Mais oui, louez quelqu'un qui pour une heure, un week-end ou plus, vous servira de conjoint que vous pourrez maltraiter à votre aise. Une fois le calme revenu, la personne s'en va à l'hôpital, le chèque en poche, et vous vous êtes tranquille, seul, serein, apaisé, célibataire. Alors oui, je sais, vous n'avez pas besoin de ce genre de prestataire, monsieur Guy, vous avez des stagiaires et des chroniqueurs pour ça. Mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir du personnel à malmener, comme ce brave Fred Sigris qui aujourd'hui a dû passer deux heures à quatre pattes sur votre bureau, une boule en cuir dans la bouche, pour ne pas hurler sous vos coups de cravache appuyé. Pas de conjoint, il faut absolument bannir la conjointiture. Conjointitude. Et pour répondre à votre question, et pour tous ceux qui nous écoutent et qui seraient encore victimes du mariage, est-il normal de vouloir tuer son conjoint? La réponse, bien entendu, est oui. Oh, quelle horreur! Mais oui! Vincent, la bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici Stéphane Escher avec Déjeuner en paix dans la bande originale de notre invité Michel Blanc pour un petit boulot film qui sera au cinéma ce mercredi 31 août. Juste après le Je n'oublierai jamais. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mon reste, tout qu'elles viennent. Vois-tu qu'il va neiger, vient de monter soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Le déjeuner en paix de Stéphane Escher. Dans la dernière demi-heure, il y aura l'humeur de Daniel Bourin. Daniel Bourin. Daniel Morin. Mais quelle horreur, ouais, ouais, il fait semblant d'avoir fait un lapsus. Oui, absolument. Tout est écrit. Il y aura le brouillon de culture de Leïla Kadouroudadi et bien sûr la cascade de questions. Hein, moi, quand c'est du pays, je connais. La cascade de questions avec Tom Villa et Frédéric Sigris qui sont également autour de cette table. Mais d'abord, je n'oublierai jamais. Je commence toutes mes phrases par je n'oublierai jamais. Et vous les concluez comme vous l'entendez, Michel Blanc. C'est Richard Larnac qui nous accompagne. Je n'oublierai jamais que dans ma maison d'enfance, il y avait. Un jardin. Dans la maison. Soyez pas crétins. Bim, oui, bim. Un jardin japonais, c'était la mode à l'époque, c'était des petites saloperies. Je n'oublierai jamais mon premier job. Oui, j'ai vendu des robes dans des braderies pour me faire des sous pendant que j'étais étudiant. J'étais capable de donner la taille des femmes et je voyais quand elles mentaient. Il y en a qui arrivaient en disant je fais un 38, je disais alors, bah vous savez on taille très petit madame, alors, je vous conseille d'essayer le 42. Oh, c'est dégueulasse. Je n'oublierai jamais le but que je m'étais fixé dans la vie. Ah oui, non, puis je continue à essayer de pas l'oublier, c'est de devenir un bon acteur. Ah, c'est l'unique but dans votre vie? Il y en a d'autres, mais ils sont marginaux. Non, mais je veux dire, ils ne vous regardent pas, surtout. Ah ben alors, justement, je n'oublierai jamais mon péché mignon. Picoler et manger. D'accord. Vous avez une région de préférence pour boire, la maison. À la maison, j'aime bien. Une région viticole. Eh oui, j'ai bien compris. J'adore le Côte-du-Rhône, le Bordeaux, et puis les petits vins de soif de Loire. D'accord, la mais France rouge. Entière, quoi. Non, je n'aime pas le pinot noir, et tant pis, je présente mes excuses à nos Giver amis Straminer. De Bourgogne. Ah d'accord, Bourgogne, moi, d'accord. Noir, pinot. Un petit boulot, ça sera à l'affiche ce mercredi 31 août, deux dodos avec Romain Duris, Alice Belaïdi, Gustave Pervert, Malek Soutz, et on revient après l'infamie. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation? Et si on faisait une pause? Vincent Josse. On se retrouve à la récré pour un moment musical, du classique, du jazz. L'important, c'est que la musique vous étonne, vous émeuve, vous fasse du bien. La récréation, du lundi au vendredi sur France Inter. À tout à l'heure. À partir de 16h. À retrouver aussi en podcast sur franceinter.fr. Moi, c'est Chloé. Je partage un appart avec deux colocs. Et des trois, je suis clairement la plus désordonnée. Je laisse tout traîner derrière moi. Non, je reconnais, je manque de sérieux. Sauf pour une chose, ma santé. Alors pour ma mutuelle, j'ai choisi MGEN. Pour eux aussi, la santé, c'est sérieux. Ils vont même plus loin. Mon offre MGEN inclut des services d'assistance. Par exemple, si je suis immobilisée après un accident, devinez quoi? J'ai droit à une aide ménagère. Chloé a choisi MGEN. Et vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur mgen.fr. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Information, Laetitia Gaillet. Les producteurs de lait ne désarment pas au sens propre. Ils ont décidé aujourd'hui de mener de nouvelles actions contre le leader mondial du secteur, Lactalis. Lactalis auquel ils reprochent de payer toujours à un prix trop bas leur production de lait. Ces agriculteurs ont demandé également au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, de s'impliquer plus dans cette crise, de faire pression par exemple sur le patron de Lactalis. Voici ce que ce dernier leur a répondu ce matin chez nos confrères de France Info. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on négocie avec Lactalis ou est-ce qu'on prend le problème du lait de manière globale? Si c'est avec Lactalis, et je l'ai dit de manière très claire, cette grande entreprise, première mondiale, qui transforme le lait en France, est celle qui paye le litre de lait au producteur le moins cher de toutes les laiteries de France. Ce n'est pas acceptable. Et j'ai dit qu'à partir de là, on était prêt à aider. Il y avait un médiateur qui avait été nommé. Mais je n'ai pas de moyens de pression directe. Mais monsieur Le Foll, ce que dit cet agriculteur notamment, c'est qu'il faut qu'il téléphone au patron. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, ce patron je n'ai de la jamais... police, alors, un peu on va, curieux, je vais lui répondre, qu'on ne voit jamais, ni on vous On ne non le voit jamais, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas son portable. Monsieur Beignet est un PDG d'une entreprise dont, je vous le répète, je n'ai pas le numéro de téléphone direct. Il y en a beaucoup d'autres avec lesquels j'ai des relations. Oui. Même monsieur Bigard, que j'ai rencontré... Mais Monsieur Beignet, jamais, ni m'a demandé un rendez-vous, ni m'a demandé un contact, ni a souhaité me rencontrer. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, avec Fabienne Sintès. 5 personnes ont été interpellées à Bruxelles après l'attaque cette nuit contre l'Institut National de Criminologie de Belgique. Le bâtiment était vide, il n'y a eu aucune victime à déplorer. La justice dément que des explosifs aient été utilisés dans cette attaque, mais c'est bien d'un acte criminel qu'il s'agit. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 13h de Bruno Duvic. Au menu également du journal, la journée de consultation sur l'islam de France au ministère de l'Intérieur. Membres du Conseil français du culte musulman, politiques et personnalités de la société civile vont plancher autour de Bernard Cazeneuve sur ce que doit être l'islam de France. Le ministère de l'Intérieur a déjà fait savoir d'ailleurs que l'écrivain Tahar Ben Jelloun, le recteur de la mosquée de Lyon ou encore l'entrepreneur Najwa Ardouini El Adfani seront au conseil d'administration de la Fondation pour l'islam de France. À 13h, on parlera également de la rentrée scolaire. C'est dans 3 jours. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, Nation, elle, a fait la sienne ce matin et elle s'est exprimée tout à l'heure à propos de la réforme décriée du collège. Qu'on le veuille ou non, dit-elle, elle se fait. Pour en parler, Bruno Duvic recevra tout à l'heure Frédéric Rollet. C'est le secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire. Les familles des victimes de l'attentat de Nice cet été ont été reçues à l'Élysée ce matin. Elles ont rencontré François Hollande. Un moment important, selon Stéphane Jiquel, le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, qui était avec eux. Mais je crois qu'il est important que, pour un responsable politique, d'avoir un retour direct de l'expérience, du vécu des victimes, sans le filtre des administrations, des cabinets, et d'avoir ce premier échange direct. Les victimes ont besoin de l'État, de la présence de l'État dans le quotidien pour faire face aux difficultés. Et donc, il est tout à fait légitime d'avoir un engagement personnel du chef de l'État. Tout l'enjeu et toute la difficulté face à un événement de masse, c'est d'être capable, malgré le nombre, d'individualiser les situations, les réponses, et d'être à l'écoute des difficultés de chacun. Et même au sein d'une même famille, les difficultés, les ressentis peuvent varier. Des propos recueillis par Sébastien Germain de France Bleu Azur. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les familles des victimes de l'attentat de Nice et François Hollande. Aucune précision, par exemple, n'a été donnée sur ce que réclament de nombreux Niçois, à savoir un hommage national aux victimes de l'attentat. L'attentat qui a fait donc 86 morts et plusieurs centaines de blessés. Enfin, en Corse, un homme de 20 ans, originaire de Corté, en Haute-Corse, sera jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Bastia, jugé pour dégradation volontaire par incendie. Il a été interpellé la semaine dernière en flagrant délit alors qu'il allumait un incendie. La justice lui en impute 12 au total. Le plus important a détruit 20 hectares en Haute-Corse. L'incendie entre Barbadio et Poggio, lui, est maîtrisé depuis ce week-end. 540 hectares en tout ont été ravagés. Vous écoutez France Inter, il est 12h05. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. La tête au carré. Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, la tête au carré à 10 ans. Émission anniversaire avec le généticien Axel Kahn comme grand témoin. La tête au carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Esprit drôle et subtil, esprit fin et éclairé. Oh, c'est la bande originale. Es-tu là? J'étais pas sûr que vous parliez de nous. Il y avait trop de fois esprit dans la phrase. J'étais très inquiet. Merci, Laetitia. Comment vous descendez tout seul? Ouais, ça s'appelle de l'auto. Flagellation. Elle sera là pour vous informer toute la journée à 13h. Est-ce Claire qui revient pour l'info, le journal? Non, c'est Bruno Duvic. On vous a pas dit? Sûrement. On a dû me le dire, mais j'ai pas fait gaffe. Très bien. Et ben Bruno Duvic, c'est le vendredi et c'est le soir, vous la verrez plus. Mais oui. D'accord. Elle a été mutée. Voilà. Mais elle a quand même son passe pour la cantine. Oui, oui, oui, elle peut monter les escaliers et tout, elle peut rentrer. Puis elle était là la dernière semaine de l'été pour téléphone sonne. Heureusement que Leïla est là pour nous sauver. Ah, bah je tiens la parade. Tu sais que moi j'ai eu un moment de solitude, ma carte ne fonctionnait pas, je ne pouvais pas rentrer aujourd'hui. C'est intéressant, Nagui. Très peur. Pardon. Je voulais dire qu'on est à l'antenne. À tout à l'heure. En même temps, il essaie avec sa carte bleue. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudel. Bonjour à tous. Frédéric Segris. Bonjour. Daniel Morin. Oui, Monsieur Tom Villa. Bonjour. Oui. Richard Lornac est au club. Bonjour. Invité Michel Blanc. Dans ce film que l'on vous recommande, parce que nous on a eu la chance de le voir avant la sortie qui aura lieu ce mercredi 31 août dans deux dodos, film de Pascal Chomeil, réalisateur de L'Arnaqueur, Pascal nous ayant malheureusement quitté le 1er septembre 2015 et il a porté ce film jusqu'au bout et c'est peut-être même le film qui lui a permis de tenir parce que dès l'instant où il a fini le montage, il nous a quitté. Ouais, enfin il a fini complètement le film. Oui, mais moi je ne suis pas certain de ça parce que... Ah bon. Parce que il n'était pas conscient, d'après les renseignements que j'ai obtenus de la part de gens qui... De ses proches, même. Il savait qu'il avait eu une saloperie d'hépatite il y a quelques années et qu'elle lui bouffait le foie. Mais moi, je pensais qu'il était en convalescence. Et puis, il était tellement sur le coup, tellement impliqué. À aucun moment, j'ai vu un homme fatigué à qui j'allais casser les pieds pour lui dire « Est-ce que tu crois que j'ai bien joué ? Est-ce que je dois faire ça ?» Jamais, pendant la préparation, jusqu'à la fin, il m'a appelé le lundi soir en me disant « Écoute... » Mais peut-être que par pudeur, il cachait tout ça pour Non. Moi, je me suis renseigné depuis, encore une fois, et non, il ne pensait pas. Il a même dit, sa fille devait venir le jour où il est mort, il a même dit au... « Écoute, je vais me reposer un peu au producteur mercredi, c'est parce qu'il est mort jeudi, parce que demain, ma fille vient, j'aimerais bien être un peu en forme, quoi. » Donc ça prouve bien que ce pauvre homme ne savait pas ce qui allait lui arriver. En tout cas, il nous offre avec vous un très beau film que vous avez, encore une fois, signé, l'adaptation en tout cas de ce roman de Ian Levinson. Dans le casting, Romain Duris, pour la première fois, vous jouez à ses côtés, Alice Belaïdi, Gustave Carvern, Alex Luce, tout le monde est absolument parfait dans ce casting. La bande, on chantait Zach Varum, parce que la bande originale aussi est jouissive dans ce film, ce célèbre Varum, Isaac Varum. Vous demandez, vous êtes un mafieux, un petit voyou. Alors ça se passe, la situation se passe, vous êtes tourné en Belgique, ça se veut dans le nord de la France. C'est une histoire assez marrante, en deux mots. Quand je l'ai écrit, je me disais, il faut que ça soit, pour qu'il y ait un peu d'exotisme quand même, parce que quand on lit le roman, nous Français, on n'est pas tout à fait dans cette réalité, mais en même temps c'est la même chose qui se passe, c'est-à-dire c'est les gens qui restent sur le carreau. Donc je me disais, je vais le situer le plus près possible de la Belgique, donc dans le nord, parce que il y a un exotisme pour nous Français, francophone en Belgique. Vous voulez dire que le nord n'est pas en France? Non. Si vous dites dans le nord, il y a un exotisme pour nous Français. Non, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Si, on repasse à la Belgique. Je viens de répéter. Je voulais le situer dans le nord, le plus près possible de la Belgique, parce qu'il y a en Belgique un exotisme. Ah, ok. Un exotisme qu'on ressent parce que c'est francophone et puis en même temps les Belges ils sont plus sympas que nous, d'abord ils sont moins agressifs et puis il y a une autre imaginaire, ils sont un peu beaucoup, enfin quand on voit le surréalisme belge, tout ça c'est les comédies belges, c'est arrivé près comme, de chez vous, ouais, c'est incroyable, ça, voilà, ouais. Où les convoyeurs attendent, moi c'est un univers qui me plaît même beaucoup. Striptease. Ouais, même striptease. Et alors coup de peau, si j'ose dire. Personne n'a voulu dans les chaînes françaises produire, coproduire le film. Non, on nous a dit ça ressemble aux frères Cohen, on n'aime pas les frères Cohen, alors parce que quand même... Donc Yanni, TF1, je M6, ce service public, Canal, TF1, tout ça, non, TF1 c'est normal, c'est pas un film pour eux, alors ça je peux pas leur reprocher. D'accord. On a peut-être Canal, mais sur service public on n'a pas réussi. Donc le film, il était au point mort, et puis d'un seul coup, il y a un producteur belge qui a dit, moi ça m'intéresse, je vais le produire. Donc j'ai été employé par une production belge pour le tourner là-bas. Et ça a été une grande joie pour moi parce que je me dis, c'est super, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Non, mais c'est en tout cas un très bon film avec cet humour grinçant mais et noir. On va reprendre l'humour grinçant, c'est non, sur la fiche, j'espère, l'humour grinçant. Okay. Oui, je sais. Où le meurtre devient un moment d'égarement, comme le dit Romain Duris. C'est vrai, il dit ça aussi. Ouais, oui, c'est ça. Oui, je lui réponds, on ne doit pas avoir le même vocabulaire. Il y a une phrase aussi que j'ai adorée dans le film, qui est sûrement l'une des plus belles phrases du film. T'aimes les pâtes, ça dépend de la sauce. c'est le climax. J'en étais sûr. C'est le climax. Ouais, je comprends. Ah ouais, non, tu viens. Mm-hmm. Voici l'humeur de Daniel Morin. Elle est bonne, cette humeur. Elle est bonne. Oui, je suis heureux, Nagui. Ça je se voit. Le suis. Oui, de très bonne humeur, fini les vacances, oui. Fini ces vacances synonymes de promiscuité au soleil, de séances de transpiration collective avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Des gens avec qui on sympathise pour de mauvaises raisons. Des gens avec qui on finit par faire l'amour sur des malentendus aussi idiots qu'alcoolisés. Enfin, c'est de quoi je parle, Nagui. Hein. Pas à vous que je vais apprendre ces petits tracas estivaux, vous qu'on surnomme chaque été depuis plus de 30 ans le Ramsès Sifredi de la région PACA. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, je suis content d'être là. Ramsès Sifredi, c'est-à-dire que je fais l'amour de profil, c'est ça? Voilà, et avec un très long menton. Je suis content d'être là pour la nouvelle formule de la bande originale. Oui, on accueille un nouveau. Oui, c'est lui la nouvelle formule, c'est Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Daniel. Bonjour, bienvenue dans la bande originale. Je suis content parce que d'abord, Je vous trouve très très beau, très séduisant. Je trouve que vous avez écarte-toi, oui. Une qualité de peau remarquable. Je vous trouve très très beau. Du coup, autour de cette table, je me sens beaucoup moins seul. Moi. Alors, je ne sais pas si tu connais les gens autour de la table, Dan. Mal. Bon, en même temps, pas besoin de connaître tout le monde. Hein. Le plus important, c'est lui. Alors lui, c'est Nagui. Alors Nagui, comme ça, il a l'air sympa. Voilà. Bon. Bienvenue à toi, Tom. J'ai déjà mal. Oh merde. Alors, Fred Sigrist en a parlé. On sait d'où tu viens. On sait pour qui t'as travaillé. On sait dans quelle série tu as tourné. C'est à quel point il est humiliant de se faire épiler toutes les semaines. Tout ça pour aller se faire filmer sous la douche d'Investir Moite, sous l'œil exorbité d'un journaliste animateur la bave aux lèvres. En tout cas, ici, sois rassuré, tu ne cours pas les mêmes dangers. Nagui ne te demandera pas de te mettre nu, son a. Non, ça, pardon, il ne le fait pas. En revanche, il exigera sûrement que tu sois là dans le bureau le mercredi à 10h, à sa sortie de bain hebdomadaire pour le sécher. C'est une tradition. Ne lui refuse pas ce petit plaisir. Voilà tout ça pour dire, Tom, qu'ici, tu es plus que bienvenu. Alors, de mon côté, j'ai suivi l'actualité de loin, de très très loin cet été. Bien sûr, il y a eu des dossiers hyper chauds. Burkini, le retour de Sarkozy, les deux jumelles suédoises du camping qui ont étrangement refusé mes avances. Trois dossiers de première bourre, mais j'étais loin d'imaginer qu'il arriverait ce qui est arrivé. Le coup de tonnerre 2016, le séisme du mois d'août. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être tombé de ma chaise. Tout le monde a pris la news en pleine gueule. Une news, une info à peine croyable, une info à laquelle Patrick Cohen, le phénix de l'actu, a immédiatement réagi. France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Oui, on vient de l'apprendre, c'est sans doute la nouvelle de cette rentrée média. Richard Larnac, connu pour être le plus grand pianiste du monde, n'ayons pas peur des mots, aurait rasé sa moustache. Alors, est-ce une conséquence de la canicule ou bien un geste fou de la part de cet homme un peu bourru, certes, mais pétri de talent? Bien sûr, toute la rédaction de France Inter vous tiendra informé heure par heure de l'évolution du dossier moustache. Ouais. Oh, merci, Patrick Cohen, s'il vous plaît. C'est fou, c'est dingue, c'est ma boule, mais par contre, l'horreur, c'est que c'est vrai. Richard Larnac s'est rasé la moustache, en termes techniques, la moustache mou. Alors, pour tout, cette info arrive comme un drame, un cataclysme. Richard Larnac, je vous le rappelle, portait la moustache depuis l'âge de 8 mois. Une moustache fournie, une moustache épaisse, qui jusqu'à 20 ans lui donnait des airs de Clark Gable, version La Grande Motte. Qui jusqu'à l'âge de 30 lui donnait des airs de Village People, version Lavandou. Qui jusqu'à ses 50 ans lui donnait des airs de routier croate en quête de frissons de parking. Et bref, une moustache qui lui allait si bien. Va-t-il relaisser pousser ce passeport de séduction, symbole criant d'une virilité tonitruante? Va-t-il continuer sa mutilation pileuse? On ne sait pas. Mais on suit le dossier. À demain. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Michel Blanc, forcément une réaction sur cette actualité brûlante estivale, parce que vous-même, vous avez subi cette ablation de la moustache. Oui. Et alors, c'est une décision qui se prend comment ? Il y a eu un acharnement thérapeutique pour la faire repousser, ouais. Parce que je l'avais coupée, rasée, après, je crois bien que c'est même après embrasser, non, après, excusez-moi, après, viens chez moi. Et c'était une... Et je dis, toi, tu me fous voilà. Les exactement. Et c'était une... symboliquement, c'était une manière de vouloir échapper au petit personnage franchouillard moustachu. Quand j'ai écrit Marche à l'ombre, le producteur m'a dit non, mais il faut la laisser repousser parce que vous êtes quand même... C'est important qu'on retrouve le personnage. Je dis, bon, d'accord, alors, juste pour le film. Hein. Je l'ai donc laissé repousser, je l'ai rasé. 2 ans après, Bertrand Blier m'appelle pour me proposer une tenue de soirée, où je fais un travelot à la fin quand même. Hein, et il me dit, non, ce qui serait marrant, c'est que tu te laisses repousser la moustache. Et je l'ai laissé repousser pour la raser à la fin, etc. Puis à un moment, j'ai dit, non, maintenant on arrête. Hein. Mais c'est vrai. Arrêtez, j'aurais dû raser. C'était une signature. Mais... Bah, c'était, ouais, enfin bon, puis c'est... Et vous avez essayé de faire pareil avec les cheveux ou pas? Ouais, regardez. Ah ouais. Ça marche, c'est en train de repousser. Oui, il faut que je fasse attention demain parce que j'ai une télé. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire cette fois-ci un film, puisque là vous avez dans le petit boulot... La réponse est oui. Comme je sais qu'on a très peu de temps sur le service public. Scénario, adaptation oui. Et dialogue. Et le mettre en scène. Est-ce que là vous allez le filmer? Oui. Oui. Voilà. Et ça va parler de quoi? Ça ne vous regarde pas. L'univers. Non, mais sans dire l'histoire. C'est une adaptation. Est-ce que c'est une adaptation d'un roman? Anglais, oui, non. Vous avez droit à trois questions. Non, c'est pas l'adaptation d'un roman anglais. C'est la déclinaison de quelque chose que j'ai déjà fait. Je reprends des personnages et j'invente une histoire avec. C'est un exercice un peu marrant. Très bien. Vous serez... Ce qui veut dire que si les acteurs pour qui j'écris ne me veulent pas, il va finir au broyeur, le film. Mmh. Vous serez c'est le premier... C'est 6 mois de travail, c'est pas grave. Le 1er février, vous serez à l'affiche de Red Dingue, le film 2, et avec Danny Boone, avec un casting époustouflant. Tournage qui a eu lieu en Belgique aussi, ou pas? Ouais. Ah bah, du cinéma. Depuis quelques temps, c'est... Je sais pas. The Place to Be. Y a que les... Oui, il n'y a que mes impôts que je paye en France. je dois être con. Non. Je fais l'inverse de. Non, et j'y tiens. C'est bien. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudadi. Michel Blanc, voici votre brouillon de culture. Je vous sors de la promo, je vous donne un bol d'air. C'est notre tête-à-tête culturel. Et rien de tel pour se mettre en jambe qu'un petit son. On remonte dans les années 70. Un crime pareil le soir des élections, c'est du gâteau. À moins que ce soit qu'une simple affaire de mœurs. La camionnette 57-63-UY69, c'est à vous? Oui, pourquoi? Est-ce que vous avez reconnu cet extrait de bande-annonce d'un film de Bertrand Tavernier sorti en 74? C'est L'horloger de Saint-Paul. Ah oui, mais je n'ai pas joué dedans. Et moi, les films dans lesquels on ne m'a pas engagé, je ne m'intéresse pas. C'était Philippe Noiret et Jean Rochefort. C'était un film magnifique. Oui. Et je vous en parle parce que, comme Jean-Jacques Rousseau, votre grand-père était horloger et vous en avez gardé en quelque sorte des stigmates. Oui, je suis un mec exact et puis j'aime bien les montres. C'est con, hein. Mais je... Paradoxalement, celle que vous avez au poignet, oui, non, plutôt une montre connectée. Oui, ouais, si ouais. Mais je ne la mets pas pour sortir le soir. D'accord. Non, non, mais c'est vrai, j'ai même tendance des fois à m'interdire, comme on s'interdit de casino, je m'interdis d'horlogerie. De bijoutier, Parce que ça peut conduire à des dépenses colossales? Pas colossales, non, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter des montres à 100 000 euros, n'est-ce pas? J'en ai porté une sur le film de Danny Boone, c'est un truc de fou. J'étais mort de trouille à l'idée de pouvoir oublier de la laisser dans la caravane. C'est une folie furieuse. Hein. J'ai jamais vu ça sur un film. D'habitude, on a des pauvres imitations made in Taiwan pour faire semblant d'eux, parce que la production ne va pas investir là-dedans. Et là, lui, il a un pote qui est un horloger absolument incroyable, qui fait des trucs pièce par pièce, vous savez, des modèles uniques. Voilà. Et quand j'ai appris le prix de ce que j'avais autour du poignet pour jouer la comédie, c'est de la terreur. Vous n'avez même pas osé regarder l'heure. Ah non, mais je la regardais souvent, au contraire. Pour amortir. Bah ouais, à ce prix-là. Et ça a développé chez vous un rapport à la précision, à la ponctualité? Peut-être, oui, je suis en principe assez précis, oui. Et chiant pour les gens qui sont en retard. À présent, je suis allé chercher la voix d'un homme que vous connaissez et avec qui vous avez travaillé. So I was interested in the fact that literature and the cinema and the theatre told stories about people who hadn't turned up before. C'est Hanif Kouachi. C'est la voix d'Anif Kouraïchi, avec qui vous avez co-signé le scénario de votre troisième film. C'était une idée originale d'Anif. Moi, j'avais adoré son roman Le Bouddha de banlieue, qui est une merveille d'humour et en même temps de documentation sur un milieu certes très fermé, qui est le milieu indien, enfin pakistanais en l'occurrence à Londres, mais avec un humour fou. Et donc je m'étais dit, oh, je ferais bien un film à Londres, j'aime tellement cette ville. Et si on demandait à Hanif Kouraïchi de trouver une idée de base, et il a trouvé l'idée de départ. Qui a donné Mauvaise Passe avec Daniel Auteuil. Et qui s'est cassé la gueule. Mais qui était un super beauté. Bah, c'est-à-dire que qui était avant-gardiste, parler de la prostitution masculine. Le film est sorti en 99. Alors, bon, ça, je sais pas. Mais moi, j'adore le film. J'ai adoré le faire parce que les acteurs de Daniel Auteuil, quasi seul acteur français, dans le film, à tous les autres acteurs anglais, c'était un bonheur absolu. Et Hanif Kouraïchi, c'est un auteur très intéressant, et il a écrit pour Stephen Frears des scénarios de films. Beautiful Laundrette. Il a écrit pour Roger Mitchell aussi, Un week-end à Paris, plus récemment. Mm-hmm. Il s'est lancé dans la littérature grâce à Salman Rushdie. Il a une vision multiculturaliste. Ouais. Et je trouve que souvent, les choix que vous faites de bouquins sont des auteurs qui portent à travers leur roman, dans la littérature, un message. Est-ce que vous en êtes conscient? C'est ma démarche de enfin, le moment où il y a un déclic en me disant, tiens, je l'adapterai bien, il est plus irrationnel que ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça me parle. Alors, il faudrait que j'analyse après pourquoi ça me parle. Souvent, parce que les personnages ne sont pas tous d'une pièce. Et moi, les personnages qui sont monolithiques comme ça, ça m'inspire assez peu. D'abord parce que je pense que personne ne l'est, et puis c'est pas mon moteur. Quoi. Alors pour finir, ma prescription culturelle pour vous, je vous fais un petit conseil culture. Ça voilà. C'est gentil. Quand j'ai vu votre personnage dans le film, j'ai pensé à un mafieux britannique, un certain Dominic Noonan. C'est un loustique à la tête chauve. Comment vous avez lu des choses que j'ai dites dans les interviews? Non. Bah continuez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai. Donc pour le présenter, ce personnage, costard, cravate, crâne chauve, il est à la tête d'un clan le plus puissant de la pègre de Manchester. Il a plus de 40 condamnations à son actif. Et il y a un documentaire qui lui est consacré qui est génial. C'est ouais. A Very British Gangster, qui a été réalisé par un grand journaliste d'investigation britannique, Donald McIntyre. Et il a pour devise les mots suivants. Many years ago, my dad used to say to me, just look after those that look after you. Fuck off those that fuck off you. En gros, son père lui raconte... Lutte pour ceux qui luttent pour toi, flingue ceux qui veulent te flinguer. Et le documentaire est étonnant, puisqu'il... vous le connaissez. Alors, c'est un truc inouï. J'ai écrit le scénario. On m'a persuadé de jouer le personnage. On a discuté avec Pascal comment serait le personnage. Et un soir, je regarde la télé, je tombe là-dessus. Mais vraiment, on était en pleine préparation, choix des costumes et tout ça. J'appelle Pascal, je lui dis, il faut que tu te procures là, ça, que tu regardes, parce que je pense que le look du mec, c'est exactement ce qu'on cherche. En plus, il y a une scène où il joue avec son chien, ce qui est à la fois dans le film et ce qui est dans le roman aussi, je ne l'ai pas inventé ça. Il boit des bières avec ses potes, et c'est un type extraordinairement dangereux. Mais il raconte tout. Et il est très sympathique, d'une certaine manière. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est le personnage. Ça s'appelle comment, ce doc? A Very British Gangster. Vous pouvez le trouver en ligne. Et il raconte absolument tout face caméra. Il raconte, par exemple, qu'en guise de représailles, il n'a pas hésité à faire subir à son ennemi un acte d'une violence incroyable. Il a pris son chien, il lui a coupé la tête et il lui a posé la tête sur la table. Voilà. Et depuis, il n'a plus de problème. 12h24, si vous voilà. êtes à table, bon appétit. En écoutant non, mais ça Adèle. Rappelle des scènes de films du Parrain. Enfin, on se dit oui, tout d'un coup que la. C'est la tête voilà, de chien. Que la réalité surpasse. Ça dépend de la taille du chien. C'est vrai. Voilà, c'était mon conseil culture. Bon, j'en trouverai un autre la prochaine fois que vous. Non, mais vous c'est bien que vous parliez de ça parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable. Alors, puisqu'on est en train de parler de spectacle, moi, je voudrais vous parler d'un spectacle qui n'a rien à voir avec les horreurs que vous venez de décrire. Les chiens ont leur tête, là. Mais voilà, absolument. Tout le monde a sa tête et en plus, c'est très sexy. C'est totalement délirant. C'est très impressionnant. C'est le cirque CNI qui a monté ce spectacle qui s'appelle Oh là là. C'est aux Folies Bergères. Ça finit là, le 11 septembre. Donc, il faut se dépêcher avant que ça ne soit pas possible. Si qui que ce soit autour de cette table veut y aller, je l'invite personnellement. Et si ça ne vous plaît pas, je vous rembourse. 6 000 euros. Tu nous rembourses quelque chose que tu nous as offert. Voilà, ouais, super. Ouais. Tellement je suis sûr. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est très impressionnant. Non, il faut absolument. Michel, vous voulez y aller, be my guest, s'il vous plaît. La cascade de questions, on va commencer tout de suite. Des questions courtes avec des réponses courtes. Daniel Morin, tiens. Michel, vous auriez 6 000 euros à dépenser comme ça pour faire abattre un collègue comédien, ce serait qui? Alors, Depardieu, c'est plus cher parce qu'il faut plusieurs balles. Je vais réfléchir. Frédéric Siris. Un réalisateur qui vous impressionne au point de ne pas oser ou avoir osé lui dire que vous vouliez tourner avec lui? Ah oui, il y avait René. Hélas, c'est trop tard. Il y a Ozon. Justement, j'ose pas. Vous les avez croisés sans jamais oser dire. René, jamais. Ozon, j'ai même dîné, je crois, un soir avec lui. Mais vous savez, vous faites partie de l'imaginaire d'un réalisateur ou pas. Oui. C'est pas une question de talent, pas talent, machin. Mais voilà, je dois pas faire partie de son imaginaire, de même que je ne dois pas faire partie de l'imaginaire de Jacques Audiard. Et je dis ça sans aucune ni aigreur ni. Moi, il y a des acteurs qui font pas partie de mon imaginaire, voilà. On demandera directement à François Ozon qui sera notre invité. On va lui demander, il vous répondra sur cette antenne. Il va nous présenter France bientôt. Leïla. Un tic de langage, Michel Blanc. J'en ai plein. Vous trouverez. Repassons la bande. En ce moment, c'est humour grinçant surtout qui revient. C'est grincé. Oui, non, mais je ne sais pas. Tom Bila. Vous qui aimez le piano, Michel Blanc, vous préférez Richard Clayderman ou Jean Schultes? Eh bien, je préfère Je suis obligé de choisir entre les deux ? Il n'y a que deux choix. Ah bah ouais, mais on a le droit d'introduire un troisième Gus. Bon. Trop tard. Daniel Morin. Hein. Je viens de recevoir un texto de Gérard Jugnot qui dit que s'il avait 6000 balles, ce serait pour vous. Ouais. Mais s'il avait 6000 balles, ils auraient planqué en Suisse, peut-être. Ce salaud. Leïla. Non, il paye ses impôts en France, comme moi, Gérard. Très bien. C'est qui le troisième Gus ? Ah, le pianiste, ouais. Tu veux vraiment ouais. Le troisième ? Ah bah, c'est... Trop tard. Non, mais non. Tom. Ça va être trop tard, bien entendu. Non, le premier morceau que vous avez su jouer au piano. Une valse de Chopin, je pense. Leïla. Michel, le troisième Gus, vite. Horowitz. Ah, bah voilà, Frédéric Sigrist. Alors, un acteur que vous rêveriez de diriger ? Mais il y en a plein. Il y en a avec qui je l'ai déjà fait et je compte bien le refaire, notamment ceux pour qui j'écris en ce moment. C'est des qui gens comme Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Carole Bouquet, mais j'ai Karine Viard, enfin bref. Daniel Morin, oui. Des excuses à présenter. Bah, désolé pour l'amicale des profs retraités cégétistes et intermittents de la RATP, soit en gros 75-76% de nos auditeurs qui s'est senti insulté par Tom Villa. Franchement, bande de feignasses, vous n'avez aucun humour. Désolé pour Patrick, notre ami, Patrick Balkany, je précise, Jean-Marc Morandini, Jean-Marie Le Pen, Gérard Jugnot et toutes les grandes figures françaises qui ont été attaquées durant l'émission. Il n'y a plus de respect pour les grands hommes, je vous le dis. Enfin, désolé pour tous les précaires et autres crevards qui nous écoutent et qui n'ont même pas 6000 balles à foutre pour tuer leur conjoint. Faites un effort, bande de quignoles. Ça s'appelle Un Petit Boulot, c'est à l'affiche le 31 août de Tous les bons cinémas dans deux dodos avec Romain Duris, Michel Blanc, également Alice Belaïdi, Gustave Carverne, Alexus. C'est drôle, c'est méchant, c'est très actuel, c'est tristement contemporain. On l'a vu avec Jean-Philippe Deniau tout à l'heure qui a des faits divers qui rejoignent cette histoire brillamment écrite et dialoguée par Michel Blanc. Merci Michel d'avoir été notre parrain de cette année. Écoutez, c'était un grand plaisir. À très, voilà. Très, donc très je bien. Reviens demain quand vous pour parrainer la deuxième émission. Ouais. Super. Demain, c'est Bertrand Bonello qui sera à votre non. place. Et c'est Philippe Bertrand que nous retrouvons pour les carnets de campagne. Bonjour Philippe. Ben, salut Nagui, salut la bande. Salut Philippe. Et ben voilà, je reprends un petit boulot à la radio. Voilà le fameux. Et nous, on prend nos habitudes, c'est être en retard pour vous donner l'antenne. Ouais. Pardon. Je Philippe. T'en prie. À demain. Bonne balade, les amis. Ciao. Radio France Faites le Sport et vous invite à la deuxième édition de Vertigo. Une grande course verticale à la Maison de la Radio. Dimanche 25 septembre, oubliez l'ascenseur et venez gravir les étages en un temps record. Un défi sportif et ludique, ouvert à tous. Vertigo. Affrontez les 70 mètres, 22 étages et 365 marches de la célèbre tour de la Maison de la Radio à Paris. Vertigo. Avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr. Vertigo. Toutes les inscriptions seront reversées à l'ONG Play International pour l'éducation et l'accompagnement par le sport. Inscrivez-vous dès maintenant sur vertigomaisondelaradio.org. vertigomaisondelaradio.org. France Inter, c'est l'heure.